Votre honneur, je mords dans des dièses hors normes et pas pour du plaqué or. Le système nous a plaqué au sol avec son genou contre nos dos. Le couteau sous la gorge, on est censé dire qu'on aime ça. Alors qu'on gémit et grelotte, l'assistance peut déjà voir une partie de notre glotte. Si le sang ne les indispose pas, j'ai les trash et bouché, mais je vais cracher. Ordonnez-leur de baisser leur canon, je vais parler. Y'a de Dieu que Dieu, je n'ai pas peur, deux secondes je m'assieds. Depuis qu'on est gosse, vous enquêtez. Aujourd'hui vous prétextez CG et César Char pour m'inculper. Jeune déterminé, armée rebelle, vous nous laissiez libre quand on courait derrière des piécettes. Vous voulez nos têtes depuis que c'est plus pareil. Depuis que je rappe des coupes machettes sur la tête de l'appareil. Depuis que je n'avale plus le miel, maintenant je mâche les abeilles. Et j'arrache l'oreille de mes ennemis, comme le pote de Jésus, celle de Poniatowski. L'histoire nous a plongé, tu peux pas manger avec nous, t'as jamais vu des hommes se manger. Ce que change, c'est combattre, envahissez-les comme des cafards. Derrière les comptoirs, dans les cafés, dans les couloirs, arabes et noirs sont traités ici comme des bâtards. Ceux qui l'ont voulu ainsi sont des bâtards. Mon rap a griffé le visage de la ville, c'est des selles qu'elle saigne. Appelez vos services d'hygiène, comme à l'époque on nous canait avec des peines. On sait trop de choses et c'est ça qui gêne. J'ai le cœur d'un animal, non, je n'ai pas de haine. J'suis ni Focard, ni Mesmer, ni TF1, 100% diable. Le cri de la peine, note, parce qu'on est arrivé en négrier, qu'on repartira pas en yacht. Après avoir touché une grosse commission, je m'habille entre Madeleine et Opéra. Un père couleur Koibat, Havane, Mokassa, Moka. Profitant de ces courts moments d'exception, parce qu'il me faut du linge, de la fringue. Plus rien n'arrête l'hémorragie, je salis toutes mes sapes. TFR trouve des boutières dans mes bagnes. J'ai rougi tout mon placard jusqu'à mes serviettes et mes draps. Vu que je perds du sang en Somalie, au Tchad, au Nigeria, la misère reste ma compagne. On se sent poisseux, oint par le sang du Soudan, qui au soleil pétille comme le champagne. On saigne tout le temps, on nous extermine souvent. On est la race rouge, très peu s'en sort, beaucoup meurent près de la porte de sortie. T'avais ta place dans le clan, on te respectait. Tu vendais 100 000 sans te faire foc. Maintenant pour atteindre 500 000 t'es prêt à sortir. Ne brade pas notre honneur, je reprends les murs, rachète ton stock. Bang bang, rouge pour le liquide qu'il verse en averse. 100% diamant, la vie est le prix que l'on paye. Ce que chante, c'est combattre, envahissez-les comme des cafards. Derrière les comptoirs, dans les cafés, dans les couloirs arabes et noirs sont traités ici comme des bâtards. Ceux qui l'ont voulu ainsi sont des bâtards. Mon rap a griffé le visage de la ville, c'est des selles qu'elle saigne. Appelez vos services d'hygiène, comme à l'époque on nous calait avec des peines. On sait trop de choses et c'est ça qui gêne. J'ai le cœur d'un animal, non, je n'ai pas de haine. J'suis ni Focard, ni Mesmer, ni TF1. 100% diamant, le cri de la peine. Note, parce qu'on est arrivé en négrier, qu'on repartira pas en yacht. Si tu as tué pour l'avoir, le quartier finira par lapider ta peine. On prie comme le cœur d'une pierre. Brise ton cœur de pierre. Lis les phrases de Jean, dis les phrases de Pierre. Nos vies sont complexes comme la trajectoire d'une pierre. Mais Botswana n'a niqué saigne des mains pour les déterrer. Un diamantaire suisse sourit en les nettoyant. Mes American niggas tuent pour les acheter. 100% diamant. Parce qu'on arrive en négrier qu'on repartira pas en yacht. Alors, organisons.